Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de la deuxième saison de septembre à juin qui met en lien l'Île-de-France et Tahiti. Donc en Île-de-France, il est très tôt le matin et à Tahiti, nous sommes le soir. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la pratique philosophique et l'environnement avec cinq invités. Carole Bécart est étudiante en terminale avec des spécialités en physique chimie SVT. Elle a pratiqué les discussions à visée démocratique et philosophique au collège, avec sa classe et avec les éco-délégués. Teina Delamotte est professeure de SVT à Tahiti. Elle est médiateur et elle a mis en place un atelier de philosophie environnementale à l'école, à l'écomusée de Moréa à destination des élèves de 6e et 5e. Simon Després est professeur des écoles et docteur en sciences de l'éducation à Tahiti aussi, membre associé de l'unité de recherche ISTCO, l'Université de Polynésie française. Claire Larocque est docteure en philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'Université Laval à Québec. Elle est spécialisée en philosophie environnementale et en écologie politique. Et sa thèse s'intitule La gestion des déchets par les sociétés industrielles au regard de la problématique environnementale, enjeux éthiques, sociaux et politiques, qu'elle a retravaillée pour en faire un livre qui va bientôt sortir. En septembre 2024, donc sous peu, je crois que c'est vers le 11, si je ne dis pas de bêtises, et elle est fondatrice du projet Le Temps de la philosophie, qui sont des ateliers philo à destination du grand public. Et enfin, Wendy Rakotovao est étudiante en master au Collège de droit d'Assas. Elle a pratiqué la discussion à visée démocratique et philosophique au collège et a accompagné par la suite des collégiens en tant qu'ambassadrice philo jeune, notamment dans une journée sur la philosophie et la nature, sur la fraternité avec le vivant. Et elle a participé à la table ronde des Journées mondiales de l'UNESCO de la philosophie en 2018 et écrit un article sur Diotime. Eh bien, merci à tous d'être là. Et nous allons commencer par une question assez générale mais essentielle. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est la pratique philosophique avec les élèves ou en tant qu'élève pour celles qui l'ont vécu en tant qu'élève? Excellent. Oui, donc Claire. Oui. Alors, tel que je le perçois, en tout cas, enfin, pour avoir pratiqué les ateliers philosophiques avec les enfants depuis 10 ans, de mon point de vue, c'est un espace de libération de la parole, de démocratisation aussi de la prise de parole, qui permet de développer des habiletés philosophiques et plus que philosophiques. Alors moi, j'ai l'habitude de la pratique, on va dire, inspirée de Mathieu Lippmann, parce que j'ai découvert la pratique de la philosophie avec les enfants pendant mes séjours à Québec, donc avec Michel Fazville, et qui donc a lui-même été, donc c'est quelque chose qui va favoriser à la fois la pensée, on va dire, l'esprit critique, la pensée créative et la pensée attentive. Donc ça va développer à la fois des habiletés philosophiques, mais aussi des habiletés sociales. Donc pour résumer, je dirais que la philosophie avec les enfants, c'est accompagner les enfants dans l'entrée, dans l'acte du philosopher, et les inviter au mieux à essayer de penser par eux-mêmes et avec les autres. Voilà. D'accord. C'est pas du tout. Vos autres collègues, comment vous l'avez vécu en tant qu'enseignant ou élève? Léna? Alors bon, dans ma pratique philosophique avec les élèves, c'était un moment où on s'est réunis pour discuter et réfléchir ensemble sur des questions philosophiques dans le domaine des sciences de la vie et de la terre. Ce serait par exemple se poser des questions, enfin poser des questions aux élèves qui permettent de réfléchir à leur rapport à la nature. Pourquoi doit-on protéger la nature? Est-ce que la planète appartient à tout le monde? Peut-on utiliser la nature comme on veut? Les animaux ont-ils les mêmes droits que les humains? Donc la pratique de la philosophie avec les élèves, c'est vraiment enfin, se poser des questions ensemble. Donner son avis, écouter les autres, prendre à réfléchir ensemble, faire parler des habiletés de pensée, donc bah, comme conceptualiser, problématiser, argumenter, et c'est aussi respecter les opinions des autres. Est-ce que... Il me semble que c'est permettre le développement de la pensée critique, complexe, créative, voilà. Est-ce Et que... Pardon, vas-y, vas-y. en fait, moi, dans mon dispositif que j'ai mis en place, j'ai eu des sources d'inspiration diverses. Un dispositif aussi Lippmann adapté, avec l'utilisation de supports autres que les romans écrits par Lippmann. J'en parlais tout à l'heure des. Ben, moi, j'ai utilisé les trois compétences fondamentales là de conceptualisation, problématisation, argumentation. Je me suis limitée à ça. Il y a d'autres philosophes qui en utilisent beaucoup plus, hein. Il me semble qu'il y en a un nombre bien plus important. Mais j'ai essayé d'utiliser au moins ces trois compétences pour garantir une certaine philosophicité du dispositif et aussi la méthode Levine pendant la phase de conceptualisation. Et juste, est-ce que, ou toi, Téina, ou quelqu'un d'autre peut définir habileté de penser pour que ce soit plus clair pour les auditeurs? Qu'est-ce que c'est qu'une habileté? Claire? Alors, l'habileté de penser, ça veut dire que bah, pour mobiliser ce dont a parlé Téina, c'est-à-dire la capacité à généraliser, à conceptualiser, à problématiser et à argumenter, il va falloir mobiliser tout un dispositif et des outils en fait qui vont nous permettre de pouvoir réussir à entrer dans cet axe du philosopher. Donc ça va être la capacité à faire des catégories, à faire des analogies, à être dans la capacité de comparaison. Et c'est pour ça qu'on peut assez vite commencer la question de la philosophie avec les enfants assez jeunes. Avec des manipulations très concrètes. On peut très bien réussir à faire à entrer dans la catégorisation avec des plus jeunes dès la maternelle en faisant un dispositif pour essayer d'avoir un ordre de grandeur, catégorisation de couleurs, des différences, etc. Ça va être qui nous permet de développer les habiletés à penser, ce qui va être après structurant pour nous permettre après en grandissant et en faisant plus d'ateliers philo, d'être dans la capacité à détecter des contre-arguments, des fausses vérités, etc. etc. Je pense qu'on peut le définir comme ça, mais il y a mille manières de le définir, je pense. Ça marche, merci. Wendy et Carole, comment vous avez vécu la pratique philosophique? Qu'est-ce que ça a été pour vous? Wendy? Moi, je pense que j'ai vraiment considéré la pratique philosophique comme un espace de liberté, de penser, de s'exprimer, parce que c'est vrai que, certes, c'est dans un cadre scolaire, mais on parlait de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude. On parlait de thématiques importantes comme le vivre ensemble, la citoyenneté, qu'est-ce que l'égalité, qu'est-ce que l'environnement. Et je pense qu'en fait, ça a été un espace assez libérateur pour les élèves, pour pouvoir s'exprimer, mais aussi de confronter ses propres idées à d'autres idées d'apprendre à peut-être changer de perspective. Et de voir aussi à quel point, même si on était tous dans la même classe et on vivait dans la même ville, en fait, nos familles et toute notre vie personnelle, on va avoir vraiment des idées assez différentes et de pouvoir les entendre et pouvoir se rendre compte aussi de choses dont on ne pouvait pas se rendre compte, parce que je pense que c'est aussi ce qui est bien avec la pratique philosophique à cet âge, c'est qu'on est encore assez, on n'a pas encore d'idées trop arrêtées. Et donc ça nous permet vraiment de nous adapter. Et je pense que une des grandes choses que ça m'a apporté, ça a été la capacité d'écouter l'autre et de s'adapter tout en s'exprimant. Alors, ce que dit Wendy, ça me semble très, très intéressant et c'est là qu'on voit que les habiletés de penser qui sont développées grâce à la philosophie avec les enfants et les adolescents, ou le dispositif de discussion à visée philosophique en général, c'est que ça se lie immédiatement à la question du développement des habiletés sociales, en fait, qui vont être l'écoute, l'empathie, la bienveillance, etc. Et ça paraît, et en tout cas chez Lippmann, c'est clairement lié dès le départ. Et les questions des émotions générées par les idées, elles sont centrales. Et la question du travail sur les émotions comme étant des émotions à visée cognitive, en fait, pourquoi on ressent telle émotion? Quel est le fondement de telle émotion? Pourquoi je ressens de la haine quand j'entends telle idée, etc. Ça, c'est vraiment fondateur, en fait. Et même si les émotions, donc en fait, les émotions, elles ne sont pas considérées comme étant irrationnelles, comme on peut le penser dans la philosophie classique en général. L'émotion, elle va être là et on va d'abord l'utiliser comme quelque chose à étudier. Et donc, elle est ni vraie ni fausse, mais on va se demander est-ce qu'elle est finalement, elle est là? Pourquoi je la ressens? Et ensuite, on se demande si elle est convenable ou pas. Ça, par contre, ils n'ont pas. On va se demander si elle est convenable ou pas, mais elle a une visée cognitive. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une émotion qu'elle est irrecevable. Elle a une dimension philosophique et une dimension finalement très intellectuelle au final. Délier les habiletés de pensée des habiletés sociales, je pense, dans ce cadre, en tout cas, de la discussion à visée philosophique. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que toutes les classes avec lesquelles j'ai fait, ça a fait énormément avancer la classe en termes aussi social. Et Carole, j'ai vu que tu voulais intervenir. Oui, je voulais aussi dire que c'était un lieu aussi de questionnement. C'est-à-dire que quand on arrivait, on ne savait pas forcément le sujet dont on allait parler. Et c'est en parlant avec les autres et à base de questions qu'au final, on apprenait sur le sujet et qu'on arrivait aussi à se faire une idée et une pensée sur ce sujet. Et aussi que, avec les questions, on se posait des questions qu'on n'aurait pas imaginées avant et qui nous permettaient d'évoluer et de se comprendre soi-même, mais aussi de comprendre l'autre et notre environnement. Ok, très bien. Et alors, en vous écoutant et puis en connaissant votre travail, je me demandais ce qui changeait selon l'âge, puisque Simon, tu as des très jeunes et tu as eu plusieurs niveaux dans le premier degré. Théina, tu as des collégiens, moi aussi j'ai eu des collégiens. Et Wendy et Carole, vous l'avez vécu en tant que collégienne. Et puis Wendy, après, en tant que lycéenne, étudiante, quand tu as accompagné les autres. Et Claire, je ne sais pas quels sont les différents niveaux, mais voilà, est-ce qu'il y a des points communs et des différences en fonction de l'âge des élèves? Je sais pas si Simon, tu peux nous dire, Ah ou ouais, sinon. ouais. Alors, bien sûr, il faut adapter. C'est les ateliers philo à l'âge des enfants. Hein. On a différents dispositifs. Par exemple, comme le dispositif de Michel Tozzi, la DVDP qui est adaptée pour des collégiens. Et des dispositifs, par exemple, mis en place comme par Edwige Chirouter, qui peuvent être mis en place dès l'école maternelle à travers l'étude d'albums de littérature de jeunesse. Moi, je voudrais juste, parce que je n'ai pas dit un peu Bien sûr, vas-y, vas-y. Non, non, mais. ma définition, moi, je dirais, pour reprendre quelques auteurs, en fait, donc je dirais que c'est la philosophie pour les enfants, enfin, avec les enfants plutôt. Donc, c'est une pratique discursive et réflexive, en reprenant les propos de Tozzi, une pratique d'ouverture d'esprit, comme souligne Johanna Hocken. J'aime bien aussi l'idée de Jürgen Habermas, qui dit que c'est une situation idéale de parole, en fait. Aussi de Matthew Lipman avec sa communauté de recherche philosophique, donc qui porte sur une question universelle et qui est soulevée par un support de médiation culturelle, que ce soit la littérature, mais ça peut être aussi le photolangage, le cinéma, la vidéo, la sculpture, enfin l'art en général. Et donc, on cherche à répondre à des exigences cognitives, donc on a bien décrit les habiletés, et en discutant ensemble, forcément, on développe comme vous l'avez dit, des compétences psychosociales, communicationnelles, une meilleure compréhension du monde. Donc, pour résumer, je dirais que ce serait une aventure intellectuelle, parce qu'on fait cheminer sa pensée, on ne sait pas, on s'aventure sur des terrains inconnus, on part de. Et aussi une ouverture d'esprit sur la complexité du monde et des hommes. Voilà, je voulais juste dire ça Ah mais pour non. ma vision de la philo. Bien justement, Après, tu. moi Vas-y. j'expliquerai peut-être plus en. Après, donc, moi, je suis parti des travaux au départ d'Edwige Chirouter et j'ai une thèse, j'ai créé une méthode, entre guillemets, qui s'appelle la pratique philosophique contextualisée. En fait, c'est-à-dire de prendre appui sur le contexte profit des apprentissages en tenant compte du contexte polynésien, qui est un contexte postcolonial et plurilingue. Et donc, en fait, on a mis en place une didactique du philosophé basée sur un modèle éducatif bilingue, français-tahitien, sur l'utilisation de supports inducteurs polynésiens et sur l'implication des parents. En fait, les parents venaient aussi discuter dans la discussion philo. Voilà, je voulais juste dire ça pour présenter un peu mes travaux. On va y revenir après en détail justement pour que les auditeurs puissent s'emparer de ce que tu as fait. Et avant ça, de manière plus générale, vous servez tous et toutes où vous avez vécu tous et toutes avec des supports comme point de départ pour les discussions philosophiques. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des supports? Et quel type de support vous avez utilisé? Sinon, tu as déjà commencé à en donner. Alors, j'ai une anecdote sur le sujet, si vous Bah, voulez vas-y. laisser la parole à quelqu'un d'autre. Non, mais vas-y, des anecdotes et après les Non, ben, concepts. en fait, le problème, c'est que si on n'utilise pas de support de médiation, par exemple, nous, on a fait une discussion sur le bonheur, et donc on fait, pour la conceptualisation, on cherche des mots ennemis. Donc, ils ont commencé à parler du malheur. Et en fait, du coup, il y a un petit garçon qui est parti sur une anecdote personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il parlait de son frère qui s'était pris une balle à l'armée, près du cœur. Du coup, il a commencé à pleurer. Et en fait, cercle de parole, le pleur s'est diffusé au reste du groupe. Et en fait, tout le monde a commencé à pleurer. En fait, ça permet de mettre à distance le concept. Et c'est ce qu'expliquent les Duchiroutères de mettre le concept à bonne distance pour pouvoir philosopher sereinement, en fait. Et s'il n'y a pas cet intermédiaire, cette médiation, on risque d'être trop intrusif et de partir sur des anecdotes personnelles. Merci beaucoup. Et je pense que ouais, ce que dit Claire? Simon, c'est oui, c'est extrêmement vrai. Et ça rejoint aussi ce que disait Wendy, dans le sens où on peut vivre dans une même ville, pardon, et avoir des expériences. On vient d'univers, même si on habite à un même endroit complètement différent, de familles complètement différentes, et avoir au début de la discussion, disons un outil, un support culturel commun, ça permet d'avoir une base commune de démarrage de la réflexion. C'est-à-dire que tout au long de la discussion après, on va s'en référer, même si bien sûr on peut évoquer autre chose, on peut s'en référer à ce texte, cette image, cette photographie, cette pièce de théâtre qu'on aura vue ensemble. Ça crée du commun en fait dès le départ. Et ça permet d'échanger sur cette base-là parce qu'après on part avec tellement de différences au départ, de background chacun, que là, ça permet vraiment de se dire, on peut raccrocher à ça pour essayer de se comprendre, en fait. Enfin, c'est ce que crée la littérature de manière générale chez les enfants, chez les adultes aussi, je pense, et l'art, et la culture globalement. Et ça permet de pas se fourvoyer. Par exemple, si quelqu'un emploie un terme et que chacun on emploie des mots avec derrière, on réfère tellement mille et une choses différentes. Ça permet d'essayer de discuter, au moins de se mettre d'accord sur ça, je pense. Alors, quel type de support vous avez vécu pour les élèves et utilisé, Téina, Bah alors, moi, je cherchais un moyen de développer la conscience écologique des élèves. Et je suis allée sur Internet pour trouver une activité pratique en lien avec le rapport à la nature des élèves. Et je suis tombée sur un webinaire de Claire Larocque qui m'a beaucoup intéressée. Et voilà, en fait, je ne savais pas vraiment ce que c'était que la philosophie avec les enfants. Donc, je me suis inspirée de son atelier de philosophie environnementale pour les enfants, repenser notre lien avec la nature. Donc, c'était un webinaire qui fait partie du réseau Canopé. Et il y avait un cas pratique. Faut-il protéger les forêts de la présence humaine? Et donc, bah, je m'en suis inspirée pour le contextualiser ici à la Polynésie avec faut-il protéger les lagons de la présence humaine? Voilà, donc, et avec ça, c'est un jeu de rôle avec des personnages. Donc, je me suis inspirée et d'un atelier de photo-langage pour voir un petit peu quel était le qu'est-ce que c'était que la nature pour les élèves. Donc il y avait tout un tas de photos qui toutes représentaient la nature en fait, en tout cas une certaine perception de la nature. Mais lors de cette première phase, lors de cet atelier, pour certains élèves, on voyait qu'il y en avait qui étaient catégoriques à non, ça c'est pas du tout la nature, tu te trompes. Et donc, du coup, c'est bien parce que ça a permis des débats et ça a permis à la fin qu'il y a une question philosophique, il n'y a pas qu'une seule réponse, mais il peut y avoir une multitude de réponses. Merci beaucoup. Et Wendy? bon, enfin, pour rebondir un peu sur ce que vous avez toutes les deux dit, je pense que le support, ça permet aussi d'arriver à la discussion sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que chacun va arriver en ayant au moins une chose à commenter ou une chose sur la. Un support sur lequel étudier et s'exprimer. Alors que si on mettait juste on énonçait juste le sujet et la discussion commence, je pense qu'il y a ce côté où les élèves, ils ont pas forcément la confiance pour partir d'une idée zéro. En partant des mots, certes, mais d'une idée zéro. Et le support, je pense que ça permet aussi à chacun de pouvoir prendre confiance. Et peut-être au tout début, quand on parle de photos, d'avoir, par exemple, d'être descriptif. Mais en fait, cette description que tout le monde peut faire va pouvoir ouvrir des idées. N'y aurait même pas cette première étape un peu préparatoire de la discussion. Et je pense que c'est vraiment nécessaire que tout le monde puisse, en fait, d'une certaine manière, commencer à s'intéresser au sujet et avoir ce temps de réflexion pour chacun en faisant le support ou en étudiant le support pour pouvoir ensuite mieux en parler. Merci beaucoup. Et alors du coup, qu'est-ce que ça apporte de travailler les discussions philosophiques en lien avec l'environnement, le développement durable? Vaste question. Oui, c'est ça. Claire? Je me lance. Oui? Oui? Alors, moi, ça a été le résultat, en tout cas, le lien entre les deux, ça a été le résultat entre à la fois mon travail de recherche que j'ai effectué pendant mon doctorat en philosophie de l'environnement, et plus précisément, bon, moi, je travaille sur la question de la gestion des déchets, et le fait que j'ai été au Québec pour le faire en co-tutelle, et que là-bas, j'ai découvert la pratique de la philosophie avec les enfants. Et là, je me suis dit, clairement, il y a un lien, il y a des ponts à faire entre ces deux questions-là. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir aux liens qu'on pouvait effectuer, et je voyais bien qu'il se mettait aussi en place des choses au niveau de l'éducation au développement durable, enfin, voilà, dans les établissements. Et j'ai commencé à réfléchir à la spécificité, enfin, ce que pourrait être la spécificité de la philosophie avec les enfants en lien avec la question de l'environnement et la différence avec l'éducation au développement durable, pour essayer de voir si c'était redondant, pas redondant, si c'était incompatible, si c'était complémentaire, etc. Donc c'est vrai que ça a été un premier travail. Et là, j'ai vu clairement qu'il y a une certaine démarche dans l'éducation au développement durable qui est déterminante, en fait, qui est le fait de rendre les élèves acteurs, conscients, responsables de la crise écologique qui est en train de se jouer de nos jours. Mais c'est une pratique qui est quand même dans l'action, qui est très collaborative, mais qui est aussi dans l'action, avec voilà, une pédagogie de l'action, qui est là, on pense à un problème, hein, on essaye de voir comment on peut le résoudre, etc. La pratique, à mon avis, des discussions à visée philosophique en lien avec l'environnement, elle va être un peu différente, même si elle est complémentaire. C'est une philosophie enfin, c'est une pratique qui va être plus de la pédagogie du questionnement et qui va essayer d'amener les enfants à réfléchir, et les adolescents, à réfléchir sur les concepts en fait qu'on mobilise justement dans on part pas du principe au sein du dispositif de discussion à visée philosophique du fait qu'il faut protéger la nature. On part pas du principe, même à la limite, on part pas du principe du fait qu'il y a une crise écologique, parce que l'idée, c'est d'avoir une ouverture d'esprit maximale et de ne délivrer aucun message. Ce qui est différent, en fait, de l'éducation au développement durable, où on part du principe qu'il y a la crise écologique. Bien sûr, c'est ce que je ne dis pas du tout, mais il y a une crise écologique et il faut résoudre des problèmes, il faut comprendre les problèmes de consommation, les problèmes de déchets, les problèmes de tri, etc., etc. Et l'atelier philosophique, ça va être différent. Ça va être de dire qu'est-ce que ça veut dire la nature? C'est quoi la différence avec la culture? Et on est amené à aller vers des terrains qui sont c'est quoi la différence entre l'animal et l'humain, entre ce qui va être de l'ordre de, on va dire, du naturel ou du culturel, ou bien encore enfin, tout un tas de distinctions. Et donc vraiment, on n'est pas dans le fait de délivrer un message. Et ce que j'aime bien faire dans certains ateliers, c'est de dire, mais pourquoi en fait il faudrait protéger la nature? Alors, ce qui n'est pas vraiment le message développement durable, où on part du principe que si, il faut la défendre. Et en fait, on est dans deux exercices un peu différents qui sont complètement complémentaires. Mais quand on parle de sensibilité, l'éducation au développement durable, ça serait plutôt de la sensibilisation, justement, d'essayer de faire prendre conscience. De la même manière qu'il existe des ateliers de sensibilisation à la question des discriminations et du racisme, on essaye de faire prendre conscience de ces questions-là, mais les dispositifs ne sont pas les mêmes. Et dans les différents ateliers que j'ai pu mener, sur la question du racisme, par exemple, ou des discriminations, et sur la question de la nature, très vite, enfin, ils sont pétris de bonnes idées, on va dire. Ils disent ce qu'on attend d'eux, ils questionnent très peu. Parce qu'en fait, ils ont été sensibilisés déjà en amont sur le fait que c'est pas bien d'être raciste et c'est pas bien de jeter ses papiers par terre. Et en fait, dans la cour de récréation, c'est tout le contraire qui se passe. Ils se crachent dessus, ils n'acceptent pas la différence et ils jettent leurs papiers par terre. Donc en fait, il y a une dissonance entre le discours qu'ils mènent en classe et les actions et leur comportement eux-mêmes dans la vraie vie. Et là où ça me semble intéressant, c'est parce que ils ont assimilé un message, enfin disons ils ont reçu un message et ils savent que c'est très bien de le dire ainsi, mais il n'y a pas eu de processus de réflexion ou en tout cas personnel sur ces sujets-là. Et je pense que quand on le reçoit aussi de manière extérieure, en disant bah c'est bien de trier ses déchets, mais c'est pareil chez les adultes, hein, je pense aussi, mais soit on le fait parce qu'on se dit quand même c'est bien et tout, mais en fait, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles on est censé le faire, à qui on répond, quelles sont les injonctions, pourquoi on répond à ces injonctions, etc., etc. Donc ça peut soit créer des dissonances, comme je l'ai dit, entre un comportement et une compréhension du message, soit un rejet aussi de discours du genre bah, il n'y a pas de crise écologique, ou etc., laissez-nous tranquille avec ces injonctions écologiques. Et donc, ça me semblait nécessaire de voir que on pouvait essayer, grâce à ces ateliers de philosophie environnementale pour les enfants et les adolescents, créer cet espace où ils aient le droit d'exprimer le fait que ils comprennent pas pourquoi il faut protéger la planète, pourquoi pour quelles raisons il y a tellement d'injonctions, pourquoi on pourrait pas préférer finalement un développement technisé d'autres planètes, quitte à ce que la nôtre devienne une poubelle. Enfin, je veux dire, tout avoir toute cette réflexion qui nous permet de penser hors des sentiers battus ou de ces messages qu'on porte, qu'ils reçoivent et qui sont censés porter comme étant des bons élèves, des responsables et éco-citoyens, etc., etc. Et c'est-à-dire que cette démarche-là, elle est vraiment pour moi intérieure, une réflexion collective et oser aller penser hors de des chemins battus. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, mais je pourrais y revenir et le développer, c'est que il suffit pas, à mon avis, de mettre des gens dans la nature pour qu'il y ait un lien d'intimité qui se crée. C'est pas parce qu'on va faire une simple balade en forêt que d'un coup, on va avoir un lien avec l'environnement. Il y a tout un dispositif à mettre en place qui soit à la fois cognitif, sensoriel, et aussi basé sur ce que j'appellerais aussi une écologie de l'attention, parce qu'aujourd'hui, on est tellement mobilisé par mille et une choses que la question de l'observation et de l'attention, elle est quand même très difficile à voir. Donc, on peut être branché et notre attention est captée par mille et une choses, mais ce n'est pas sûr qu'on soit capable d'observer, d'avoir ces qualités d'observation, d'attention portées à la nature. C'est ce dont parle Baptiste Morisot quand il parle de crise de la sensibilité. Une forme d'extinction de l'expérience de la nature. Donc, il suffit pas d'aller dans la nature pour dire, pour ressentir et se dire, tiens, ça mène une réflexion. Il faut créer ce lien d'intimité par plein de dispositifs possibles. Et je pense que la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents, elle a un rôle à jouer très fort là-dedans. Alors, si tu me dis si je trahis ta pensée, mais il y a ce côté d'être acteur et même peut-être auteur de sa propre pensée pour les élèves dans la pratique philosophique. Est-ce que Wendy et Carole, vous l'avez vécu comme ça? Et est-ce que c'est ce que vous avez voulu faire, Teina et Simon? Est-ce que vous avez eu l'impression d'être autorisé à dire ce que vous vouliez et d'avoir vu vos camarades de classe au moment des DVDP s'autoriser à dire des choses, même si c'était à l'opposé de ce que pensaient leurs profs ou leurs camarades? Oui, je pense que Alors, Wendy? c'était, enfin, ça s'est passé, ça n'a pas été tout le temps le cas, mais en fait, j'ai eu l'impression aussi qu'à des moments, par exemple, dans notre classe, on avait parlé de racisme. Et oui, c'est sûr que tout le monde sait que le racisme, c'est mal, mais c'est vrai que dans un environnement très, enfin, dans notre collège, c'est quand même des populations très diverses au niveau racial. Et en fait, ça permettait aussi peut-être de déconstruire des idées. Enfin, je ne me souviens pas exactement, mais je me souviens qu'à un moment, même si on était tous d'accord, on a été quand même été confrontés, ou on a été, on n'a pas été d'accord sur toutes les manières de penser le racisme. Et je pense que ça permettait aussi à certaines personnes de dire des choses qui pouvaient peut-être pas être entendues. Enfin, comme dans un espace de liberté, qu'ils ne pouvaient pas dire autrement ou qu'ils ne pouvaient pas dire avant. Et là, ils ont pu le dire. Et d'une certaine manière, en fait, on a aussi déconstruit des idées. Parce que je pense que ce que Claire aussi, enfin, ce qui était intéressant dans ce que Claire disait, c'est que, en fait, ce qui était bien, c'est de repartir vraiment à pourquoi on pense ce genre de choses. Et surtout quand on est un enfant. On a peur de mal penser. Je pense qu'il y a cette peur de ne pas être dans la bonne pensée et donc de toujours dire ce qu'on a entendu et d'essayer d'exprimer les bonnes choses. Alors que si on repart du niveau, qu'est-ce que sont toutes ces notions? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que... Comment... En fait, de pouvoir... vraiment s'interroger sur les... En fait, et je pense que c'est ça aussi pour moi, là, ce que je dirais à la philosophie, c'est de savoir ce qui est acquis sur toutes les fondations. Et quand tu t'interroges sur tout ce qui est acquis, en fait, tu déconstruis tellement de choses et on avance vers une pensée plus... Et on a, en fait, finalement, en déconstruisant, on va acquérir des nouvelles pensées et qui auront des fondations encore plus importantes et plus solides parce qu'on sera parti vraiment du niveau zéro. Et on aura vraiment pensé chaque étape, et là dans la question pourquoi est-ce qu'il faut protéger l'environnement ou qu'est-ce que l'environnement représente pour nous, je pense que ça aide vraiment plus à dire bon, il y a une crise climatique et il faut protéger l'environnement à cause de cette crise climatique. Merci. Carole? Du coup, moi, je suis d'accord avec Wendy aussi dans le fait qu'au début, on sait qu'il faut protéger l'environnement, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et faire ces ateliers de philosophie, c'est aussi se rendre compte des conséquences de nos actes, se rendre compte qu'on est aussi, on a aussi un rôle à jouer dans la protection de l'environnement et aussi comprendre pourquoi l'environnement est important, quel est notre un point commun, notre relation avec l'environnement, comment on se ressent dans cet environnement et comment, pourquoi il est important pour nous de faire en sorte que cet environnement aille bien pour le bien commun. Merci Carole. Du coup, Téina et Simon, en lien avec cette question, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de déroulement de ce que vous avez fait sur une pratique philosophique en lien avec l'environnement? Tu as commencé à Oui. parler de photo-langage, mais voilà, qu'est-ce que vous d'album? Simon? Léna, tu veux prendre la parole ou... Non, vas-y, Simon. Ok. Donc, en fait, dans le cadre du projet Filéact, on a créé des modules, des fiches, en fait, pédagogiques et des... Et on a fait donc une fiche, un atelier de philo. Donc, le module, c'était sur le thème de l'insularité et la fiche... Enfin, l'atelier philo, la question principale, c'était vivre sur une île nous rapproche-t-il de la nature? Je pense qu'aussi, il faut faire... l'ensemble des choses qui ont été dites, à la dérive utilitariste de la philosophie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de l'éducation A ou une leçon de morale. Et donc, on peut aussi aborder la notion, le concept de nature à travers, par exemple, cette question, vivre sur une île, nous rapprocher de la nature, où on n'est pas dans une éducation en développement durable, mais on va quand même questionner le concept de nature. Et après, forcément... Donc, j'explique le déroulement. Donc, c'est Et on le mettra le déroulement de lien de la pratique Filéact. philosophique contextuelle. Donc, d'accord, merci. Et donc, du coup, ben, nous, on lit d'abord, on a lu un album qui s'appelle Moréa, mon île cœur. Donc, je suis sur l'île de Moréa en Polynésie française. Donc, c'est un album qui parle de l'île de Moréa et qui montre vraiment l'importance des éléments naturels dans la vie d'une jeune petite polynésienne, en fait. Après, donc différentes phases de la discussion, une phase de lancement, donc on lit l'album. Donc moi, dans mon dispositif, l'album est lu en tahitien par un parent, mais c'est un album qu'on a déjà vu en français parce qu'il y a des enfants bilingues. Et en fait, à un moment dans cet album, il y a un épisode d'une pratique traditionnelle polynésienne qui consiste à enterrer le placenta des nouveau-nés en dessous d'une plante. Pour relier justement l'enfant à la nature, à la terre ancestrale, etc. Et donc, du coup, on est parti de cette illustration et voilà, ça a été le démarrage de la discussion. Donc, ensuite, on a fait un travail de conceptualisation à travers une carte mentale. Donc là, on cherche des mois-mi, des mois-et-demi. Un peu tout. Et moi, j'ai utilisé aussi le dessin. J'ai oublié de dire que j'utilise d'abord aussi le dessin en première séance. Le dessin réflexif de Molinier. Et ensuite, donc, la discussion, donc, la grande question, vivre sur une île rapproche-t-il l'homme de la nature? Et donc, on fait parler les enfants, on fait passer le bâton de parole, on est en cercle de parole, mais je prépare une batterie de questions de relance, on va dire, pour dynamiser la discussion, rebondir. Après, ça dépend, en fait, c'est ça aussi la discussion philo, c'est que c'est du sans filet, on ne sait pas exactement ce que les enfants vont dire. Et donc, du coup, c'est l'animateur, c'est quand même une batterie de questions de relance. Par exemple, là, j'avais prévu quelques exemples. Être civilisé, est-ce s'éloigner de la nature? Bon, après, la nature s'oppose-t-elle à la culture? L'homme fait-il partie de la nature? La nature a-t-elle besoin de nous? Etc., etc. Donc, on les fait discuter. Après, on fait une conclusion de la séance par une synthèse. En fait, on synthétise un peu ce que les élèves ont dit. Et on peut terminer par une petite trace écrite qui résume les idées principales, soit à travers un cahier de philo ou une carte mentale. Voilà. Et j'en profite pour vous dire que ouais, sur le site de Filéac, vous avez tous des fiches et des vidéos gratuitement téléchargeables. En plus, elles sont toutes fraîches. Toutes fraîches. N'hésitez pas. Oui, c'est pour ça qu'on va partager en bas du podcast tous ces liens de tous vos travaux, parce que c'est très utile pour tout le monde. Donc. Merci beaucoup. Teina, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait à l'écomusée de Montréal? Oui, en fait, j'en avais un peu parlé tout à l'heure. Donc, c'est un atelier qui s'articulait en deux temps. Donc, l'atelier de photolangage et ensuite un jeu de rôle contextualisé. Donc, le déroulement, d'abord la mise en place. Des objectifs, des règles de participation aussi, le contrat didactique. Le fait de ne pas se couper la parole, etc. Et ensuite, durant le jeu de rôle contextualisé, j'ai distribué des fiches personnages. Donc, il y avait 8 personnages à 8 élèves différents, Donc ces personnages, en fait, c'est pas vraiment des personnages, c'était des êtres vivants, humains ou non humains. Donc sur ces cartes, leur rôle était clairement défini, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Et chaque élève a lisait sa fiche, présentait son rôle aux autres. Et ensuite, juste après, une affirmation était posée. Il faut protéger les lagons de la présence humaine. Et suite à cela, j'ai demandé aux élèves de formuler des questions en lien avec cette affirmation. Donc, ça venait pas spécialement d'eux-mêmes, en tout cas les premières questions, mais après, il y en a quelques-unes qui sont venues. Donc, qui doit protéger les lagons? Qui parmi tous les êtres vivants? Est-ce que c'est le corail? Est-ce que c'est le promoteur immobilier? Est-ce que c'est le requin en pointe noire? Est-ce un devoir moral? Est-ce que tous les êtres vivants ont les mêmes responsabilités? Suite à cela, il y avait une phase d'argumentation et de débat avec j'initiais la discussion en demandant à chaque personnage de partager sa position par rapport à cette affirmation. Il faut protéger les lagons de la présence humaine. Donc chacun devait expliquer si, selon son rôle, pêcheur, corail, requin, il était pour ou contre la protection des lagons de la présence humaine et pourquoi. Donc ça a permis en fait d'encourager un décentrement. Ça a permis aussi aux élèves d'adopter la perspective d'être vivants non humains, comme les animaux ou les plantes qui ne peuvent pas parler directement. Et d'ailleurs, il y a des élèves qui m'ont dit, oui, mais madame, comment est-ce qu'ils peuvent faire la tortue, par exemple, et l'algue pour se défendre puisqu'elles ne peuvent pas parler. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Au fur et à mesure du débat, donc j'encourageais les élèves à poser des questions, à exprimer des contre-arguments. Voilà. Et pour clore l'atelier, il y a une dernière question qui a été posée. C'était une question ouverte. Quelle serait selon vous la meilleure manière de protéger les lagons tout en respectant les besoins de tous? Suivre la réflexion au-delà de la. Merci beaucoup. Carole et Wendy, du coup, vous avez participé à la journée philosophique sur la fraternité avec le vivant. Est-ce que vous souhaitez en dire quelques mots? Est-ce que vous vous souvenez du type de document sur lesquels vous étiez appuyée? Donc, Wendy était accompagnatrice, ambassadrice, et Carole était en quatrième. Carole, si tu veux y aller. Alors, ça fait un peu loin, donc je me souviens Oui. pas de tout. Mais c'est vrai qu'on avait aussi beaucoup de documents sur lesquels s'appuyer parce que c'était pas forcément évident de commencer directement. Dans mes souvenirs, on devait avoir des photos de forêt, par exemple, ou de déforestation, il me semble. On avait aussi des phrases, je saurais plus exactement dire, mais qu'on pouvait décrypter et dire si on était d'accord ou pas, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait dire, des citations. Après, on avait aussi beaucoup de travaux en groupe qui permettaient de voir avec les autres élèves ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils comprenaient des documents. Et aussi, après, on a pu faire des affiches qu'on pouvait dans le lycée et montrer à tout le monde comment on travaillait et qu'est-ce qu'on imaginait de la question de l'environnement. Ok. Wendy, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, je pense que Carole a été assez exhaustive. On avait pas mal de. Il y avait pas mal de documents. Les élèves avaient aussi, je crois, travaillé peut-être en faisant des supports. Je ne me souviens pas exactement, mais qu'ils avaient déjà en amont préparé des supports pour la discussion. des images, peut-être, je ne me souviens pas tout Des textes exactement, mais littéraires je aussi. crois, voilà, des textes littéraires, mais que eux, ils avaient déjà, enfin, nous, quand on était arrivés, on ne connaissait pas, mais eux, en tout cas, ils connaissaient déjà le texte. Est-ce que je peux aussi rajouter Bien sûr, Carole. on avait étudié un livre aussi en classe qui parlait bah, de l'environnement. Je sais plus quel est le titre. Mais on était, oui, c'est ça, on avait déjà un bagage concernant l'environnement. Je me souviens aussi qu'on avait écrit centre et tous les mots qui nous avaient pensé au mot principal, et ça nous aidait aussi beaucoup à comprendre bah, dans quelle direction on fallait aller, et aussi enfin, comprendre nous quel était le mot et qu'est-ce qu'on voyait derrière ce mot-là. Oui, un réseau conceptuel. Et alors, toute dernière question, Jacques Lévin écrit dans son livre L'enfant philosophe, avenir de l'humanité, point d'interrogation, il ne suffit pas d'installer dans sa classe des ateliers de philosophie pour que cela fonctionne, mais fonctionne entre guillemets. Donc, pour vous, quelle est la posture de l'enseignant qui est nécessaire, donc de votre point de vue d'élève, de votre point de vue de chercheuse, de votre point de vue d'enseignant, pour que justement ça puisse s'installer? Parce que déjà, Claire, tu soulignais la différence avec la sensibilisation, on est plus dans le discours qu'on espère performatif, mais qui n'est pas performatif, et les discussions philosophiques. Donc, quelle posture et quelle perception de l'élève permettent à ces ateliers philosophiques de fonctionner, pour reprendre le mot de Jacques Lévin? Alors, Alors, Claire, vas-y. bon, je pense qu'il y a, oui, il y a un basculement à opérer quand on fait de la philosophie avec les enfants, déjà parce qu'il y a un a priori bon, qui commence à être pas mal dépassé. Sur le fait que les enfants et les adolescents, ben, c'est incompatible avec l'acte du philosopher parce que la philosophie, ce serait quelque chose de réservé à des esprits matures, des grandes personnes, etc. Donc, il y a un basculement à la fois à opérer du point de vue de la perception de ce qu'est la philosophie et aussi de ce qu'est l'enfant et de ce qu'est l'adolescent. C'est-à-dire que moi, ben, je les perçois comme j'ai pas un rapport d'ascendance vis-à-vis d'eux. Je les considère comme des personnes à part entière, capables de réflexion, bien sûr en connaissance de cause par rapport à leur développement cognitif et psychologique et psychique. Mais déjà, c'est ce rapport-là d'égal à égal quand on va dialoguer. Ensuite, je dirais que ça, c'est la première chose que je fais quand je m'adresse à eux. Et ensuite, c'est aussi une. Étant donné aussi leur malléabilité, étant donné leur jeune âge, ce que je m'interdis réellement, moi, c'est de vouloir leur transmettre quelque chose, même si j'y crois fort. C'est-à-dire que j'ai tellement conscience enfin, à la fois de ce qui est précieux dans leur questionnement, de leur jeune âge, de leur émerveillement face au monde, que je m'interdis clairement, et je pense que tout le monde devrait faire ça en pratiquant les ateliers philo avec eux, c'est de vouloir leur inculquer quelque chose et d'être dans quelque chose de l'ordre de la moralisation. Donc, si je crois très fortement à la nécessité de s'engager pour l'environnement, je m'interdis tant que je peux, de leur dire que c'est ça qu'il faut faire. Oui. Donc, j'essaye de toujours être en retrait par rapport à ça. Et ensuite, ce que j'aime bien, enfin, ce qui me semble nécessaire aussi, c'est d'établir, au premier abord, d'établir de la confiance entre nous, dans le sens où ils vont pouvoir dire, cette liberté-là, de penser, de parler, de discuter ensemble, elle n'est pas acquise. C'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place. C'est quelque chose qu'on doit. Voilà, ils sont tellement aussi conditionnés, comme disait Wendy aussi, à dire ce qu'il faut au bon moment, être le bon élève, etc., qu'il va falloir leur dire, c'est OK si tu penses ça et tu penses que c'est pas bien de le penser, et on va réfléchir ensemble sur pourquoi c'est pas bien de le penser a priori, pourquoi peut-être c'est bien de le penser, c'est légitime, pas légitime, etc. Donc ça va être aussi de dire, vous êtes dans un espace à la fois de liberté, sécurisant aussi pour la liberté de votre parole. D'accord. Merci Cette beaucoup. Ah, posture-là pardon, que excusez-moi, ça j'ai. a Ouais. coupé, j'ai cru que tu avais Non, non, c'est bon. fini. Juste, si jamais pour les supports, j'avais pas tout dit, donc on reviendra peut-être après. sur la question des supports, mais on laisse, on continue sur cette question-là, si tu veux. Alors, les élèves ou les collègues, par rapport à la posture ou la façon de considérer les élèves? Alors, Téina et après Carole? Ok. Alors, je dirais que la posture de facilitatrice des échanges, d'animatrice, pour l'avoir, en fait, le fait d'avoir été médiateur, ça m'a aidé parce que lorsque je me suis lancée dans la pratique de l'atelier de philosophie environnementale, je n'étais absolument pas experte. Et ce qui m'a aidée, c'est le fait déjà, voilà, de ne pas intervenir comme quelqu'un de sachant, hein, et qui va faire la morale. Le fait d'être neutre aussi, de ne pas donner son opinion, impartial, et d'avoir une certaine disponibilité à l'autre, d'être dans l'écoute active, sans jugement, avec un travail de reformulation, de clarification, de demande d'approfondissement, de distribution de la parole, avec l'utilisation du questionnement et la capacité à prendre de la distance, je dirais, vis-à-vis du sujet traité. Ça, voilà, la posture de médiateur m'a beaucoup aidée, et je pense que sans doute je ne me serais pas lancée dedans si je n'avais pas déjà auparavant animé des groupes de parole. Et pourtant, là, c'est ça. Un atelier de philosophie est bien différent d'un groupe de parole. Quoi qu'il en soit, la perception de l'élève est importante parce que les élèves, quel que soit leur âge, sont des êtres pensants à part entière et ils sont tout à fait capables de questionner le monde. Donc, c'est un petit peu la même vision. C'est une vision d'un élève comme un sujet pensant. Capable de coopération, capable d'écoute, rien n'est figé, il est en devenir, donc il est capable d'écouter des points de vue différents, et puis peut-être à un moment donné de se dire par lui-même, ah ben voilà, je vais plutôt dans cette direction ou pas. Et les élèves ont quand même un potentiel pour une réflexion éthique et environnementale. Parce que Claire en parlait tout à l'heure, une éducation au développement durable sans réflexion profonde risque de rester superficielle et elle pourrait se contenter d'encourager, on va dire, des actions éco-responsables sans questionner la manière dont nous percevons et nous utilisons la nature. Voilà. Et Ouais, face à l'urgence de la crise environnementale, c'est très donner des clés à tous intéressant. les Pardon. enfants, notamment à ceux qui n'ont pas l'occasion de questionner, d'argumenter au sein de leur famille, de leur entourage, de leur milieu de vie. Il y a une dimension politique aussi un peu assez pratique, acquérir des habiletés de pensée qui leur permettent de développer un esprit critique. Une pensée complexe afin de, je dirais, faire des choix plus éclairés dans un contexte de crise environnementale. Juste, je rebondis après Carole, je te laisse parler. C'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, les formateurs en éducation développement durable, on est sur ce questionnement-là. C'est comment dépasser avec les éco-délégués les gestes éco-responsables? Parce que depuis que c'est une obligation, entre guillemets, parce que je trouve ça essentiel, hein, moi je le fais depuis longtemps, les éco-délégués, mais il y a cette problématique-là du fait de rester sur des gestes éco-responsables sans questionner les valeurs qui sous-tendent. Ces gestes-là et la réflexion. Voilà, je me tais. Carole, je te laisse la parole. Du coup, je vais revenir sur les ateliers philosophiques qu'on avait au collège. J'ai remarqué qu'on était très loin du cadre scolaire, dans le sens où il n'y avait pas une bonne réponse, il fallait dire la bonne réponse. On était vraiment libre de donner son avis. Et j'avais l'impression qu'on a plus tendance à écouter et à comprendre l'autre quand on sait qu'on n'est pas noté et qu'il n'y a pas de bonne réponse et qu'on a vraiment cette idée de on n'est pas dans le cadre scolaire. On est libre. Et j'ai aussi remarqué, du coup, hier, j'ai eu mon premier cours de philosophie, et j'ai remarqué que ceux qui avaient des cours de philosophie, enfin, ou des ateliers philosophiques au collège, avaient beaucoup moins de mal à s'exprimer, alors que ceux qui commençaient tout juste en terminale, avaient beaucoup d'a priori sur la philosophie, parce que, en fait, enfin, l'idée pour les gens qui sont dans ma classe, c'est que la philosophie est réservée à une élite. Alors qu'au collège, on disait vraiment, vous êtes capable de réfléchir, vous êtes capable de donner votre avis. Très bien, merci beaucoup. Je... Claire? Oui. Ah, oui, pour rebondir sur ce que dit Carole et ce que dit Téina, c'est effectivement ça, c'est cette idée que la philosophie, les ateliers pratiques, enfin les ateliers à visée philosophiques, sont pas du tout des cours d'histoire des idées. On va être dans un accompagnement des élèves, des enfants, des adolescents pour qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. Et ça peut être très effrayant, en fait, de découvrir qu'on peut penser par soi-même alors qu'on a été jusque-là éduqué à retranscrire, redire des idées qu'on nous a dit qu'il fallait, voilà, avoir. Donc, en fait, à partir de là, ça peut être très effrayant de commencer à mobiliser son propre esprit et ça demande d'être accompagné dans et de confiance en fait. Je pense que c'est à partir de là qu'on va pouvoir mener sur ces sujets-là et notamment plus précisément parce qu'on l'aborde peut-être de manière rapide mais un sujet central concernant les sujets de philosophie environnementale chez les jeunes, c'est l'éco-anxiété. Donc l'éco-anxiété, il y a eu plein d'études notamment de la psychologue Maria suédoise Maria Ojala, Ojala, je sais pas comment on prononce, mais en tout cas qui ont montré que les réactions face à l'éco-anxiété, les réactions émotionnelles et l'adaptation face à ce sentiment, il va y avoir trois principes. Il y a le principe qui est axé sur la résolution d'un problème, celle qui va être axée sur les émotions, c'est-à-dire le déni, l'évitement, etc., et celle qui va être plus axée sur le sens. Et plein d'expériences ont montré en fait que celles qui vont générer le plus d'émotions positives face à cette éco-anxiété vont être celles qui sont enfin qui sont celles qui sont les réponses à la demande de sens. Et à ce moment-là, la pratique d'atelier de philosophie avec ces enfants, elle est centrale. Donc c'est parce que par exemple, on est dans l'action, il peut y avoir une surresponsabilisation des enfants et des adolescents, donc ça crée une anxiété, se dire bah, je peux pas tout seul sauver la planète, c'est pas possible. Mais quand on va être dans la recherche de sens de pourquoi je ressens ça, quel est ce sens, on va identifier un certain nombre de choses qui sont liées au changement climatique et à la crise écologique, et on s'éloigne de la sidération ou de positions extrêmes comme le surpessimisme ou un suroptimisme. Et on va essayer de trouver des réponses nuancées, d'un engagement propre de l'élève, etc., etc., pour des leviers d'action face à la crise écologique. Donc c'est tout un apprentissage aussi des émotions que peuvent générer la crise écologique et qui sont très fortes en fait chez les enfants et les adolescents. C'est des préoccupations qui sont très fortes, aujourd'hui documentées par beaucoup d'études. Et je pense que c'est les citoyens en devenir. Et il faut vraiment le prendre en considération. Les ateliers de philosophie ont un atelier, à mon avis, enfin, ont un rôle, pardon, à jouer fondamental sur ces questions-là. Oui, ça, parce que l'action aide à dépasser l'éco-anxiété. Eh bien, je vous remercie tous beaucoup pour ce sujet passionnant. Ça fait déjà 1 heure qu'on échange, on fera peut-être une suite. On va y réfléchir parce que c'était court, mais il faut quand même qu'on boucle malheureusement. Donc, merci beaucoup à tous et merci de faire tous ces ateliers et de diffuser ces pratiques en tant qu'élève, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur.